so SIM, FUM, Charité, DHUF. Yo, ça fait, toi c'est EO, à la tragédie, moi c'est chaud, à la Kadhafi, dans le flow, dans les filles. C'est valorise la côte, pas la Californie. Et on se fait la bise après l'effort fourni. Pas de compliments ni même flatterie, malgré qu'on avance à plein de fourmis. Et ouais, je m'en fous, c'est ça la France qui parle d'honneur et de fratrie. Non, juste un bas d'honneur et c'est parti. Marie me dit c'est 4 à chaque audition. Zarma, ça se gâte de mauvais garçons. Zarma, ça se calme dans la modération. Et les faux s'écartent dans la désolation. Qu'est-ce que tu parles de transition, de ma position, de ma condition ou de mes convictions? Alors merde, quoi, c'est Mike RAZI, je passe devant, yo.